Homère, l'Odyssée, chant 17. Quand Éos, aux doigts rosés, né au matin apparut, Télémaque, le cher fils du divin Odysseus, attacha de belles sandales à ses pieds, saisit une lance solide qui convenait à ses mains, et prêt à partir pour la ville, il dit au porcher: Père, je vais à la ville afin que ma mère me voie, car je ne pense pas qu'elle cesse avant de me revoir de pleurer et de gémir. Et je t'ordonne ceci. Mène à la ville ce malheureux étranger, afin qu'il y mendie sa nourriture. Celui qui voudra lui donner à manger et à boire le fera. Je ne puis, accablé moi-même de douleur, supporter tous les hommes. Si cet étranger s'en irrite, ceci sera plus cruel pour lui. Mais certes, j'aime à parler sincèrement. Et le subtil Odysseus lui répondit: Ô ami, je ne désire point être retenu ici. Il vaut mieux mendier sa nourriture à la ville qu'aux champs. Me donnera qui voudra. Je ne veux point rester davantage dans tes étables, afin d'obéir à tous les ordres d'un chef. Va donc, et celui-ci me conduira, comme tu le lui ordonnes, dès que je me serai réchauffé au feu, et que la chaleur sera venue. Car n'ayant que ces haillons, je crains que le froid du matin me saisisse, et on dit que la ville est loin d'ici. Il parla ainsi. Et Télémaque sortit de l'étable et marcha rapidement en méditant la perte des prétendants. Puis, étant arrivé aux demeures bien peuplées, il appuya sa lance contre une haute colonne et il entra, passant le seuil de pierre. Et aussitôt, la nourrice Eurycléia, qui étendait les peaux sur les trônes bien travaillés, le vit la première. Et elle s'élança, fondant en larmes. Et les autres servantes du patient Odysseus se rassemblèrent autour de lui. Et elles l'entourèrent de leurs bras, baisant sa tête et ses épaules. Et la sage Pénélope sortit à la hâte de la chambre nuptiale, semblable à Artémis ou à Aphrodite d'or, et en pleurant, elle jeta ses bras autour de son cher fils, et elle baisa sa tête et ses beaux yeux, et elle lui dit en gémissant ces paroles ailées: Tu es donc revenu, Télémaque, douce lumière. Je pensais ne plus te revoir depuis que tu allais sur une nef à Pylos, en secret et contre mon gré, afin de t'informer de ton cher père. Mais dis-moi promptement ce que tu as appris. Et le prudent Télémaque lui répondit: Ma mère, n'excite point mes larmes et ne remue point mon cœur dans ma poitrine, à moi qui viens d'échapper à la mort. Mais baigne ton corps, prends des vêtements frais, monte avec tes servantes dans les chambres hautes, et voue à tous les dieux de complètes hécatombes que tu sacrifieras si Zeus m'accorde de me venger. Pour moi, je vais à l'agora, où je vais chercher un autre qui m'a suivi quand je suis revenu. Je l'ai envoyé en avant avec mes divins compagnons, et j'ai ordonné à Péraios de l'emmener dans sa demeure, de prendre soin de lui et de l'honorer jusqu'à ce que je vinsse. Il parla ainsi, et sa parole ne fut pas vaine, et Pénélope baigna son corps, prit des vêtements frais, monta avec ses servantes dans les chambres hautes, et voua à tous les dieux de complètes hécatombes qu'elle devait leur sacrifier si Zeus accordait à son fils de se venger. Télémaque sortit ensuite de sa demeure, tenant sa lance, et deux chiens aux pieds rapides le suivaient, et Athéna répandit sur lui une grâce divine. Tous les peuples l'admiraient au passage, et les prétendants insolents s'empressèrent autour de lui, le félicitant à l'envi, mais, au fond de leur âme, méditant son malheur. Et il se dégagea de leur multitude, et il alla s'asseoir là où étaient Mentor, Antiphos et Halitherses, qui étaient d'anciens amis de son père. Il s'assit là, et ils l'interrogèrent sur chaque chose. Et Péraios, illustre par sa lance, vint à eux, conduisant son hôte à l'agora à travers la ville. Et Télémaque ne tarda pas à se tourner du côté de l'étranger. Mais Péraios dit le premier: Télémaque, envoie promptement des servantes à ma demeure, afin que je te remette les présents que t'a fait Ménélas. Et le prudent Télémaque lui répondit: Péraios, nous ne savons comment tourneront les choses. Si les prétendants insolents me tuent en secret dans mes demeures et se partagent mes biens paternels, je veux que tu possèdes ces présents, et j'aime mieux que tu en jouisses qu'eux. Si je leur envoie la guerre et la mort, alors tu me les rapporteras joyeux dans mes demeures, et je m'en réjouirai. Ayant ainsi parlé, il conduisit vers sa demeure son hôte malheureux. Et dès qu'ils furent arrivés, ils déposèrent leurs manteaux sur des sièges et sur des trônes, et ils se baignèrent dans des baignoires polies. Et après que les servantes les eurent baignés et parfumés d'huile, elles les couvrirent de tuniques et de riches manteaux, et ils s'assirent sur des trônes. Une servante leur versa de l'eau, d'une belle aiguière d'or, dans un bassin d'argent pour se laver les mains, et elle dressa devant eux une table polie, que la vénérable intendante, pleine de bienveillance pour tous, couvrit de pain qu'elle avait apporté et de nombreux mets. Et Pénélope s'assit en face d'eux, à l'entrée de la salle, et se penchant de son siège, elle filait des laines fines. Puis ils étendirent les mains vers les mets placés devant eux, et après qu'ils eurent assouvi la soif et la faim, la prudente Pénélope leur dit la première. Télémaque, je remonterai dans ma chambre nuptiale et je me coucherai sur le lit plein de mes soupirs et arrosé de mes larmes depuis le jour où Odysseus est allé à Ilios avec les Atrides. Et tu ne veux pas, avant l'entrée des prétendants insolents dans cette demeure, me dire tout ce que tu as appris sur le retour de ton père. Et le prudent Télémaque lui répondit. Ma mère, je vais te dire la vérité. Nous sommes allés à Pylos, auprès du prince des peuples Nestor, et celui-ci m'a reçu dans ses hautes demeures, et il m'a comblé de soins, comme un père accueille son fils récemment arrivé après une longue absence. C'est ainsi que lui et ses illustres fils m'ont accueilli. Mais il m'a dit qu'aucun des hommes terrestres ne lui avait rien appris du malheureux Odysseus, mort ou vivant, et il m'a envoyé avec un char et des chevaux vers l'Atride Ménélas, illustre par sa lance. Et là, j'ai vu l'Argienne Hélène, pour qui tant d'Argiens et de Troyens ont souffert par la volonté des dieux. Et le brave Ménélas m'a demandé aussitôt pourquoi je venais dans la divine Lacédémone, et je lui ai dit la vérité, et alors il m'a répondu ainsi. Ô Dieu, certes, des lâches veulent coucher dans le lit d'un brave. Ainsi une biche a déposé dans le repaire d'un lion robuste ses fans nouveau-nés et qui tète tandis qu'elle va paître sur les hauteurs ou dans les vallées herbues. Et voici que le lion, rentrant dans son repaire, tue misérablement tous les fans. Ainsi Odysseus leur fera subir une mort misérable. Plaise au père Zeus, à Athéna, à Apollon, qu'Odysseus se mêle aux prétendants, tel qu'il était dans Lesbos bien bâti. Quand, se levant pour lutter contre les Philomeléides, il les terrassa rudement. Tous les Achaïens s'en réjouirent. La vie des prétendants serait brève et leurs noces seraient amères. Mais les choses que tu me demandes en me suppliant, je te les dirai sans te rien cacher, telles que me les a dites le vieillard véridique de la mer. Je te les dirai toutes et je ne te cacherai rien. Il m'a dit qu'il avait vu Odysseus subissant de cruelles douleurs, dans l'île et dans les demeures de la nymphe Calypso, qui le retient de force. Et il ne pouvait regagner la terre de sa patrie. Il n'avait plus en effet de nef armé d'aviron ni de compagnon pour le reconduire sur le large dos de la mer. C'est ainsi que m'a parlé l'Atride Ménélas, illustre par sa lance. Puis je suis parti, et les immortels m'ont envoyé un vent propice et m'ont ramené promptement dans la terre de la patrie. Il parla ainsi, et l'âme de Pénélope fut émue dans sa poitrine. Et le divin Théoclyménos leur dit. Ô vénérable femme du Laertiade Odysseus, certes, Télémaque ne sait pas tout. Écoute donc mes paroles, je te prédirai des choses vraies et je ne te cacherai rien. Que Zeus, le premier des dieux, le sache. Et cette table hospitalière est la maison du brave Odysseus où je suis. Certes, Odysseus est déjà dans la terre de la patrie, caché ou errant. Il s'informe des choses funestes qui se passent et il prépare la perte des prétendants. Tel est le signe que j'ai vu sur la nef et que j'ai révélé à Télémaque. Et la prudente Pénélope lui répondit. Plaise aux dieux, étranger, que tes paroles s'accomplissent. Tu connaîtras alors mon amitié, et je te ferai de nombreux présents, et chacun te dira un homme heureux. Et c'est ainsi qu'ils se parlaient, et les prétendants, devant la demeure d'Odysseus, sur le beau pavé, là où ils avaient coutume d'être insolents, se réjouissaient en lançant des disques et des traits. Mais quand le temps de prendre le repas fut venu, et quand les troupeaux arrivèrent de tous côtés des champs avec ceux qui les amenaient ordinairement, alors Médon, qui leur plaisait le plus parmi les héros et qui mangeait avec eux, leur dit. Jeunes hommes, puisque vous avez charmé votre âme par ces jeux, entrez dans la demeure afin que nous préparions le repas. Il est bon de prendre son repas quand le temps est venu. Il parla ainsi, et tous se levèrent et entrèrent dans la maison. Et quand ils furent rentrés, ils déposèrent leurs manteaux sur les sièges et sur les trônes. Puis ils égorgèrent les grandes brebis et les chèvres grasses. Et ils égorgèrent aussi les porcs gras, et une génisse indomptée, et ils préparèrent le repas. Pendant ce temps, Odysseus et le divin Porcher se disposaient à se rendre des champs à la ville, et le chef des Porchers le premier parla ainsi. « Étranger, allons, puisque tu désires aller aujourd'hui à la ville, comme mon maître l'a ordonné. Certes, j'aurais voulu te faire gardien des étables, mais je respecte mon maître, et je crains qu'il s'irrite, et les menaces des maîtres sont à redouter. Allons donc maintenant. Le jour décline déjà, et le froid est plus vif vers le soir. » Et le subtil Odysseus lui répondit, « J'entends et je comprends, et je ferai avec intelligence ce que tu ordonnes. Allons et conduis-moi et donne-moi un bâton, afin que je m'appuie, puisque tu dis que le chemin est difficile. » Ayant ainsi parlé, il jeta sur ses épaules sa misérable besace pleine de trous et fermée par une courroie tordue. Et Eumaios lui donna un bâton, à son goût, et ils partirent, laissant les chiens et les porchers garder les étables. Et Eumaios conduisait ainsi vers la ville son roi semblable à un vieux et misérable mendiant, appuyé sur un bâton et couvert de haillons. En avançant sur la route difficile, ils approchèrent de la ville et de la fontaine aux belles eaux courantes, où venaient puiser les citoyens. Ithac, Néritos, Polyctor l'avaient construite. Et tout autour, il y avait un bois sacré de peupliers rafraîchi par l'eau qui coulait en cercle régulier. Et l'eau glacée tombait ainsi de la cime d'un rocher. Et au-dessous, il y avait un autel des nymphes où sacrifiaient tous les voyageurs. Ce fut là que Mélanthios, fils de Dolios, les rencontra tous deux. Il conduisait les meilleures chèvres de ses troupeaux pour le repas des prétendants. Et deux bergers le suivaient. Alors, ayant vu Odysseus et Eumaios, il les insulta grossièrement et honteusement, et il remua l'âme d'Odysseus. « Voici qu'un misérable conduit un autre misérable, et c'est ainsi qu'un dieu réunit les semblables. Ignoble Porcher, où mènes-tu ce mendiant vorace, vile calamité des repas, qui use ses épaules en s'appuyant à toutes les portes, demandant des restes, et non des épées et des bassins? Si tu me le donnais, j'en ferai le gardien de mes étables qu'il nettoierait. Il porterait le fourrage aux chevaux, et buvant au moins du petit lait, il engraisserait. Mais sans doute, il ne sait faire que le mal, et il ne veut point travailler, et il aime mieux parmi le peuple, mendier, pour repaître son ventre insatiable. Je te dis ceci, et ma parole s'accomplira. S'il entre dans les demeures du divin Odysseus, les escabeaux des hommes voleront autour de sa tête par la demeure, le frapperont, et lui meurtriront les flancs. » Ayant ainsi parlé, l'insensé se rua et frappa Odysseus à la cuisse, mais sans pouvoir l'ébranler sur le chemin. Et Odysseus resta immobile, délibérant s'il lui arracherait l'âme d'un coup de bâton, ou si le soulevant de terre il lui écraserait la tête contre le sol. Mais il se contint dans son âme, et le porcher ayant vu cela s'indigna, et il dit en levant les mains, Nymphe crénade, fille de Zeus, si jamais Odysseus a brûlé pour vous des cuisses grasses et odorantes des agneaux et des chevreaux, accomplissez mon vœu. Que ce héros revienne et qu'une divinité le conduise. Certes, alors, ô Mélanthios, il troublerait les joies que tu goûtes en errant sans cesse plein d'insolence par la ville, tandis que de mauvais bergers perdent les troupeaux. Et le chevrier Mélanthios lui répondit. Ô Dieu, que dit ce chien rusé? Mais bientôt je le conduirai moi-même sur une nef noire loin d'Ithac, et un grand prix m'en reviendra. Plutôt Dieu qu'Apollon à l'arc d'argent tua aujourd'hui Télémaque dans ses demeures, ou qu'il fût tué par les prétendants aussi vrai qu'Odysseus, au loin, a perdu le jour du retour. » Ayant ainsi parlé, il les laissa marcher en silence, et les devançant, il parvint rapidement aux demeures du roi. Et il y entra aussitôt, et il s'assit parmi les prétendants, auprès d'Eurymaclos qu'il aimait beaucoup. Et on lui offrit sa part de viande, et la vénérable intendante lui apporta du pain à manger. Alors Odysseus et le divin Porcher étant arrivés s'arrêtèrent, et le son de la cithare creuse vint jusqu'à eux, car Phémios commençait à chanter au milieu des prétendants. Et Odysseus, ayant pris la main du Porcher, lui dit « Eumaios, certes voici les belles demeures d'Odysseus. Elles sont faciles à reconnaître au milieu de toutes les autres, tant elles en sont différentes. La cour est ornée de murs et de pieux, et les portes à deux battants sont solides. Aucun homme ne pourrait les forcer. Je comprends que beaucoup d'hommes prennent là leur repas, car l'odeur s'en élève et la cithare résonne, elle dont les dieux ont fait le charme des repas. Et le porcher Eumaios lui répondit. Tu as tout compris aisément, car tu es très intelligent. Mais délibérons sur ce qu'il faut faire. Ou tu entreras le premier dans les riches demeures, au milieu des prétendants, et je resterai ici, ou si tu veux rester ici, j'irai devant. Mais ne tarde pas dehors, de peur qu'on te frappe et qu'on te chasse. Je t'engage à te décider. Et le patient et divin Odysseus lui répondit. Je sais, je comprends, et je ferai avec intelligence ce que tu dis. Va devant, et je resterai ici. J'ai l'habitude des blessures, et mon âme est patiente sous les coups, car j'ai subi bien des maux sur la mer et dans la guerre. Advienne que pourra. Il ne m'est point possible de cacher la faim cruelle qui ronge mon ventre, et qui fait souffrir tant de maux aux hommes, et qui pousse sur la mer indomptée les nefs à bancs de rameurs pour apporter le malheur aux ennemis. Et il parlait ainsi, et un chien qui était couché là leva la tête et dressa l'oreille. C'était Argos, le chien du malheureux Odysseus, qu'il avait nourri lui-même autrefois, et qui n'en jouit pas, étant parti pour la Sainte Ilios. Les jeunes hommes l'avaient autrefois conduit à la chasse des chèvres sauvages, des cerfs et des lièvres, et maintenant, en l'absence de son maître, il gisait, délaissé, sur l'amas de fumier de mulets et de bœufs qui était devant la porte, et y restait jusqu'à ce que les serviteurs d'Odysseus l'eussent emporté pour engraisser son grand verger. Et le chien Argos gisait là, rongé de vermine. Et aussitôt, il reconnut Odysseus qui approchait. Et il remua la queue et dressa les oreilles. Mais il ne put pas aller au-devant de son maître, qui, l'ayant vu, essuya une larme en se cachant aisément de Maios. Et aussitôt, il demanda à celui-ci. « Eumaios, voici une chose prodigieuse. Ce chien gisant sur ce fumier a un beau corps. Je ne sais si avec cette beauté il a été rapide à la course, ou si c'est un de ces chiens que les hommes nourrissent à leur table et que les rois élèvent à cause de leur beauté. » Et le porcher Eumaios lui répondit. « C'est le chien d'un homme mort au loin, s'il était encore par les formes et les qualités telles qu'Odysseus le laissa en allant à Troie, tu admirerais sa rapidité et sa force. Aucune bête fauve qu'il avait aperçue ne lui échappait dans les profondeurs des bois, et il était doué d'un flair excellent. Maintenant, les mots l'accablent. Son maître est mort loin de sa patrie, et les servantes négligentes ne le soignent point. Les serviteurs, auxquels leur maître ne commande plus, ne veulent plus agir avec justice, car le retentissant Zeus ôte à l'homme la moitié de sa vertu quand il le soumet à la servitude. » Ayant ainsi parlé, il entra dans la riche demeure, qu'il traversa pour se rendre au milieu des illustres prétendants. Et aussitôt, la care de la noire mort saisit Argos, comme il venait de revoir Odysseus après la 20e année. Et le divin Télémaque vit, le premier, Eumaios traverser la demeure, et il lui fit signe pour l'appeler promptement à lui. Et le porcher, ayant regardé, prit le siège vide du découpeur qui servait alors les viandes abondantes aux prétendants, et qui les découpait pour les convives. Et Eumaios, portant ce siège devant la table de Télémaque, s'y assit. Et un héros lui offrit une part de mets et du pain pris dans une corbeille. Et après lui, Odysseus entra dans la demeure, semblable à un misérable et vieux mendiant, appuyé sur un bâton et couvert de vêtements en haillons. Et il s'assit sur le seuil de frêne, en dedans des portes, et il s'adossa contre le montant de cyprès qu'un ouvrier avait autrefois habilement poli et dressé avec le cordeau. Alors Télémaque, ayant appelé le porcher, prit un pain entier dans la belle corbeille et des viandes autant que ses mains purent en prendre, et dit « Porte ceci et donne-le à l'étranger, et ordonne-lui de demander à chacun des prétendants. La honte n'est pas bonne à l'indigent. » Il parla ainsi, et le porcher l'ayant entendu s'approcha d'Odysseus et lui dit ces paroles ailées. « Télémaque, ô étranger, te donne ceci, et il t'ordonne de demander à chacun des prétendants. Il dit que la honte n'est pas bonne à l'indigent. » Et le subtil Odysseus lui répondit. « Roi Zeus, accorde-moi que Télémaque soit heureux entre tous les hommes, et que tout ce qu'il désire s'accomplisse. » Et il parla ainsi, et prenant la nourriture des deux mains, il la posa à ses pieds sur sa besace trouée, et il mangea pendant que le divin Aoïde chantait dans les demeures. Mais le divin Aoïde se tut, et les prétendants élevèrent un grand tumulte, et Athéna, s'approchant du Laertia d'Odysseus, l'excita à demander aux prétendants, afin de reconnaître ce qui était juste et ce qui était inique. Mais aucun d'eux ne devait être sauvé de la mort. Et Odysseus se hâta de prier chacun d'eux, en commençant par la droite, et en tendant les deux mains, comme ont coutume les mendiants. Et il lui donnait, ayant pitié de lui, et il s'étonnait, et il se demandait qui il était et d'où il venait. Alors le chevrier Mélantios leur dit: Écoutez-moi, prétendant de l'illustre reine, je parlerai de cet étranger que j'ai déjà vu. C'est assurément le porcher qui l'a conduit ici, mais je ne sais où il est né. Il parla ainsi, et Antinoos réprimanda le porcher par ces paroles. Ô porcher, pourquoi as-tu conduit cet homme à la ville? N'avons-nous pas assez de vagabonds et de mendiants? Calamité des repas! Trouves-tu qu'il ne suffit pas de ceux qui sont réunis ici pour dévorer les biens de ton maître que tu aies encore appelé celui-ci? Et le porcher Eumaios lui répondit: Antinoos, tu ne dis pas de bonnes paroles, bien que tu sois illustre. Quel homme peut appeler un étranger afin qu'il vienne de loin, s'il n'est de ceux qui sont habiles, un divinateur, un médecin, un ouvrier qui taille le bois, ou un grand taoïde qui charme en chantant? Ceux-là sont illustres parmi les hommes sur la terre immense. Mais personne n'appelle un mendiant, s'il ne désire se nuire à soi-même. Tu es le plus dur des prétendants pour les serviteurs d'Odysseus, et surtout pour moi. Mais je n'en ai nul souci, tant que la sage Pénélope et le divin Télémaque vivront dans leur demeure. Et le prudent Télémaque lui dit: Tais-toi, et ne lui réponds point tant de paroles. Antinoos a coutume de chercher querelle par des paroles injurieuses et d'exciter tous les autres. Il parla ainsi, et il dit ensuite à Antinoos ces paroles ailées: Antinoos, tu prends soin de moi comme un père de son fils, toi qui ordonnes impérieusement à un étranger de sortir de ma demeure. Mais qu'un dieu n'accomplisse point cet ordre. Donne à cet homme, je ne t'en blâmerai point, je te l'ordonne même. Tu n'offenseras ainsi ni ma mère, ni aucun des serviteurs qui sont dans la demeure du divin Odysseus. Mais telle n'est point la pensée que tu as dans ta poitrine. Tu aimes mieux manger davantage toi-même que de donner à un autre. Et Antinoos lui répondit: Télémaque, agorette orgueilleux et plein de colère, qu'as-tu dit? Si tous les prétendants lui donnaient autant que moi, il serait retenu loin de cette demeure pendant 3 mois au moins. Il parla ainsi, saisissant et montrant l'escabeau sur lequel il appuyait ses pieds brillants sous la table. Mais tous les autres donnèrent à Odysseus et emplirent sa besace de viande et de pain. Et déjà Odysseus s'en retournait pour goûter les dons des Achéens. Mais il s'arrêta auprès d'Antinoos et lui dit: Donne-moi, ami, car tu ne parais pas le dernier des Achéens, mais plutôt le premier d'entre eux, et tu es semblable à un roi. Il t'appartient de me donner plus abondamment que les autres, et je te louerai sur la terre immense. En effet, moi aussi autrefois j'ai habité une demeure parmi les hommes. J'ai été riche et heureux, et j'ai souvent donné aux étrangers, quels qu'ils fussent, et quelle que fût leur misère. Je possédais de nombreux serviteurs, et tout ce qui fait vivre heureux et fait dire qu'on est riche. Mais Zeus Cronion a tout détruit, car telle a été sa volonté. Il m'envoya avec des pirates vagabonds dans l'Égypte lointaine afin que j'y périsse. Le 5e jour, j'arrêtai mes nefs à 2 rangs d'aviron dans le fleuve Égypte. Alors j'ordonnai à mes chers compagnons de rester auprès des nefs pour les garder, et j'envoyai des éclaireurs pour aller à la découverte. Mais ceux-ci, égarés par leur audace et confiants dans leur force, dévastèrent aussitôt les beaux champs des hommes égyptiens, entraînant les femmes et les petits-enfants et tuant les hommes. Et aussitôt le tumulte arriva jusqu'à la ville, et les habitants, entendant ces clameurs, accoururent au lever d'Eos, et toute la plaine se remplit de piétons et de cavaliers, et de l'éclat de l'airain. Et le foudroyant Zeus mit mes compagnons en fuite, et aucun d'eux ne soutint l'attaque, et la mort les environna de toutes parts. Là, un grand nombre des nôtres furent tués par l'airain aigu, et les autres furent emmenés vivants pour être esclaves. Et les Égyptiens me donnèrent à Métorlaside, qui commandait à Kypros, et il m'y emmena, et de là je suis venu ici après avoir beaucoup souffert. Et Antinoos lui répondit: Quel dieu a conduit ici cette peste, cette calamité des repas? Tiens-toi au milieu de la salle, loin de ma table, si tu ne veux voir bientôt une Égypte ou une Cryptos amère, aussi sûrement que tu es audacieux et impudent, mendiant. Tu t'arrêtes devant chacun et ils te donnent inconsidérément, rien ne les empêchant de donner ce qui ne leur appartient pas, car ils ont tout en abondance. Et le subtil Odysseus dit en se retournant: Ô Dieu, tu n'as pas les pensées qui conviennent à ta beauté, et à celui qui te le demanderait dans ta propre demeure, tu ne donnerais pas même du sel, toi qui, assis maintenant à une table étrangère, ne peux supporter la pensée de me donner un peu de pain, quand tout abonde ici. » Il parla ainsi, et Antinoos fut grandement irrité dans son cœur, et le regardant d'un œil sombre, il lui dit ces paroles ailées. « Je ne pense pas que tu sortes sain et sauf de cette demeure, puisque tu as prononcé cet outrage. » Ayant ainsi parlé, il saisit son escabeau et en frappa l'épaule droite d'Odysseus à l'extrémité du dos. Mais Odysseus resta ferme comme une pierre, et le trait d'Antinoos ne l'ébranla pas. Il secoua la tête en silence, en méditant la mort du prétendant. Puis il retourna s'asseoir sur le seuil, posa à terre sa besace pleine et dit au prétendant. « Écoutez-moi, prétendant de l'illustre reine, afin que je dise ce que mon cœur m'ordonne dans ma poitrine. Il n'y a ni douleur ni honte quand un homme est frappé, combattant pour ses biens, soit des bœufs, soit de grasses brebis. Mais Antinoos m'a frappé parce que mon ventre est rongé par la faim cruelle qui cause tant de maux aux hommes. Donc, s'il est des dieux et des irinies pour les mendiants, Antinoos, avant ses noces, rencontrera la mort. » Et Antinoos, le fils d'Eupétès, lui dit « Mange en silence, étranger, ou sors, de peur que parlant comme tu le fais, les jeunes hommes te traînent à travers la demeure par les pieds ou par les bras et te mettent en pièces. » Il parla ainsi, mais tous les autres le blâmèrent rudement, et un des jeunes hommes insolents lui dit « Antinoos, tu as mal fait de frapper ce malheureux vagabond, insensé, si c'était un des dieux uraniens, car les dieux prennent toutes les formes, errent souvent par les villes semblables à des étrangers errants, afin de reconnaître la justice ou l'iniquité des hommes. » Les prétendants parlèrent ainsi, mais leurs paroles ne touchèrent point Antinoos. Et une grande douleur s'éleva dans le cœur de Télémaque, à cause du coup qui avait été porté. Cependant, il ne versa point de larmes, mais il secoua la tête en silence, en méditant la mort du prétendant. Et la prudente Pénélope, ayant appris qu'un étranger avait été frappé dans sa demeure, dit à ses servantes « Puisse Apollon, illustre par son arc, frapper ainsi Antinoos. » Et Eurynomée, l'intendante, lui répondit « Si nous pouvions accomplir nos propres vœux, aucun de ceux-ci ne verrait le retour du beau matin. » Et la prudente Pénélope lui dit « Nourrice, tous me sont ennemis, car ils méditent le mal, mais Antinoos, plus que tous, est pour moi semblable à la noire Caire. Un malheureux étranger mendie dans la demeure, demandant à chacun, car la nécessité le presse, et tous lui donnent, mais Antinoos le frappe d'un escabeau à l'épaule droite. » Elle parla ainsi au milieu de ses servantes, et le divin Odysseus acheva son repas, et Pénélope fit appeler le divin porcher et lui dit « Va, divin Maios, et ordonne à l'étranger de venir, afin que je le salue et l'interroge. Peut-être qu'il a entendu parler du malheureux Odysseus, ou qu'il a vu de ses yeux, car il semble lui-même avoir beaucoup péri. » Et le porcher Eumaios lui répondit « Plutôt Dieu, reine, que tous les Achéens fissent silence, et qu'il charmât ton cher cœur de ses paroles. Je l'ai retenu dans l'étable pendant 3 nuits et 3 jours, car il était d'abord venu vers moi après s'être enfui d'une nef. Et il n'a point achevé de dire toute sa destinée malheureuse. De même qu'on révère un Aouïde instruit par les dieux à chanter des paroles douces aux hommes, et qu'on ne veut jamais cesser de l'écouter quand il chante, de même celui-ci m'a charmé dans mes demeures. Il dit qu'il est un hôte paternel d'Odysseus, et qu'il habitait la Crète, où commande la race de Minos. Après avoir subi beaucoup de maux, errant çà et là, il est venu ici. Il dit qu'il a entendu parler d'Odysseus, chez le riche peuple des Thesprotès, et qu'il vit encore, et qu'il rapporte de nombreuses richesses dans sa demeure. » Et la prudente Pénélope lui répondit « Va, appelle-le afin qu'il parle devant moi. Les prétendants se réjouissent, assis les uns devant les portes, les autres dans la demeure, car leur esprit est joyeux. Leurs richesses restent intactes dans leur maison, leur pain et leur vin doux, dont se nourrissent leurs serviteurs seulement. Mais tous les jours dans notre demeure, ils tuent nos bœufs, nos brebis, nos chèvres grasses, et ils mangent et ils boivent notre vin rouge impunément, et ils ont déjà consumé beaucoup de richesses. Il n'y a point ici d'homme tel qu'Odysseus pour chasser cette ruine hors de la demeure. Mais si Odysseus revenait et abordait la terre de la patrie, bientôt avec son fils, il aurait réprimé les insolences de ces hommes. » Elle parla ainsi, et Télémaque éternua très fortement, et toute la maison en retentit. Et Pénélope se mit à rire, et aussitôt elle dit à Eumaïos ces paroles ailées. « Va, appelle cet étranger devant moi. Ne vois-tu pas que mon fils a éternué, comme j'achevais de parler ?» Que la mort de tous les prétendants s'accomplisse ainsi, et que l'une d'entre eux n'évite la guerre et la mort. Mais je te dirai ceci, retiens-le dans ton esprit. Si je reconnais que cet étranger me dit la vérité, je lui donnerai de beaux vêtements, un manteau et une tunique. » Elle parla ainsi, et le porcher l'ayant entendu, s'approcha d'Odysseus et lui dit ces paroles ailées. « Père étranger, la sage Pénélope, la mère de Télémaque, t'appelle. Son âme lui ordonne de t'interroger sur son mari, bien qu'elle subisse beaucoup de douleurs. Si elle reconnaît que tu lui as dit la vérité, elle te donnera un manteau et une tunique dont tu as grand besoin, et tu demanderas ton pain parmi le peuple, et tu satisferas ta faim, et chacun te donnera s'il le veut. » Et le patient et divin Odysseus lui répondit. « Eumaïos, je dirai toute la vérité à la fille d'Icarios, la très sage Pénélope. Je sais toute la destinée d'Odysseus, et nous avons subi les mêmes maux. Mais je crains la multitude des prétendants insolents. Leur orgueil et leur violence sont montés jusqu'à l'Ouranos de fer. Voici qu'un d'entre eux, comme je traversais innocemment la salle, m'ayant frappé, m'a fait un grand mal. Et Télémaque n'y a point pris garde, ni aucun autre. Donc maintenant, engage Pénélope, malgré sa hâte, à attendre dans ses demeures jusqu'à la chute de Hélios. Alors, tandis que je serai assis auprès du foyer, elle m'interrogera sur le jour du retour de son mari. Je n'ai que des vêtements en haillons, tu le sais, puisque c'est toi que j'ai supplié le premier. » Il parla ainsi, et le porcher le quitta après l'avoir entendu, et dès qu'il parut sur le seuil, Pénélope lui dit. « Tu ne l'amènes pas, Eumaïos ? Pourquoi refuse-t-il ? Craint-il quelque outrage ou a-t-il honte ? La honte n'est pas bonne à l'indigent. » Et le porcher Eumaïos lui répondit. « Il parle comme il convient et comme chacun pense. Il veut éviter l'insolence des prétendants orgueilleux. Mais il te prie d'attendre jusqu'au coucher de Hélios. Il te sera ainsi plus facile, ô reine, de parler seule à cet étranger et de l'écouter. » Et la prudente Pénélope lui répondit. « Cet étranger, quel qu'il soit, ne semble point sans prudence, et en effet, aucun des injurieux parmi les hommes mortels n'a médité plus d'iniquité que ceci. » Elle parla ainsi, et le divin porcher retourna dans l'assemblée des prétendants après avoir tout dit. Et penchant la tête vers Télémaque afin que les autres ne l'entendissent pas, il dit ces paroles ailées. « Ô ami, je pars afin d'aller garder tes porcs et de veiller sur tes richesses et les miennes. Ce qui est ici te regarde. Mais conserve-toi et songe dans ton âme à te préserver. De nombreux Achéens ont de mauvais desseins, mais que Zeus les perde avant qu'ils nous nuisent. » Et le prudent Télémaque lui répondit. « Il en sera ainsi, père. Mais pars avant la nuit, reviens demain au matin, et amène les belles victimes. C'est aux immortels et à moi de nous inquiéter de tout le reste. » Il parla ainsi, et le porcher s'assit de nouveau sur le siège poli. Et là, il contenta son âme en buvant et en mangeant. Puis, se hâtant de retourner vers ses porcs, il laissa les cours et la demeure pleine de convives qui se charmaient par la danse et le chant, car le soir était venu.